tant de choses pour dire amour, mais m'y trouve pas les mots pour expliquer à quel point m'y aime ou il a mis pile le nom, ouais. Quand ou éloigne ou du moins, et que ou ça rejoigne à l'île, m'y plaît, m'y contrôle, puis moins, m'y pire. Tout mon esprit m'y sent encore. Où lève si ni mienne, une bonne caresse tout au long de mon corps. Mais ça l'était trop beau pour continuer. Mais là, moi, elle est désolée. Migaine, puis garde le secret. Un choix doit être fait, mais on veut pas assumer. Donc, moi, m'y préfère abandonner. Car, baby, m'y aime ou à la folie. Baby, ça ne m'y ressentera pour la vie. Ouais. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et m'y sent âme mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Baby, m'y aime ou à la folie. Baby, cette nuit ressentra pour la vie. Ouais, et mon kéri fait mal. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et m'y sent âme mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mais baby, si ma décide d'abandonner, c'est que m'a compris que m'y pourra jamais conquérir ou tirer. T'en as déjà un notifié ou de bonheur. Puisque l'Iran a aussi heureuse et que ou les si merveilleuse, m'y voudrait pas cause à ou plus de tort. M'y peut pas car m'y aime à ou trop fort. Et toutes les promesses que nous l'avait fait, toute bonne caresse, toute bonne baiser. Salé sans cesse dans mon bonne pensée. Et lui va reste toujours gravé. Et même si ou va reste l'unique grand amour de ma vie, m'y demande à ou de mettre un moins dans l'oubli. Quand on dit m'y voit bien que ou y a mali, moi les désolé d'avoir enfin les interdits. Baby, m'y aime à ou à la folie. Baby, ça ne m'y ressentra pour la vie. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et m'y sent âme mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mais baby, m'y aime à ou à la folie. Baby, cette nuit ressentra pour la vie. Ouais. Et mon kéri fait mal. Mina la tête plongée